le rein. J'ai tellement pénétré le rap qu'il est tombé enceinte. Je mets des grosses frappes, personne me rattrape. Je chromatise et maîtrise le terrain du pépère, je gère le rap et son terre-terre. Bientôt la sortie du street en plusieurs exemplaires. Je vous donne ça, moi je fais ça comme ça. C'est chroma du peu rap à celui des carpas. Dominant, parce que la balle est dans mon camp. Je mets à la demande tous ceux qui sont pas convaincants. Suis le déhanché, l'alarme est déclenchée. Fais pas trop le show, tu risques de goûter le plancher. Dis pas que c'est ton poteau si t'as pesé sa frangine. Nous on rêve de Porsche Cab et de Hummer Limousine. Auditeur, branche bien tes écouteurs. Monte le volume à faire péter ton baladeur. J'suis pas fashion, plutôt fâché qu'appuché. Mes mots sont pas mâchés, laissez-moi tout arracher. J'pilote le mic et pas une Formule 1. J'mets pas sur mon chemin quand j'prends les choses en main. J'dépose mes empreintes, mon trône est sur le rein. J'ai tellement pénétré le rap qu'il est tombé enceinte. J'mets des grosses frappes, personne me rattrape. J'chromatise et maîtrise le terrain du rap. J'dépose mes empreintes, mon trône est sur le rein. J'ai tellement pénétré le rap qu'il est tombé enceinte. J'mets des grosses frappes, personne me rattrape. J'chromatise et maîtrise le terrain du rap. Ma tête c'est vos bancs, j'chromatise mon slogan. J'arrive avec un flow lyricalement arrogant. J'rappe violent, donc tu vas te sentir agressé. Même si j'dis pas ton nom, c'est pour toi qu'il est adressé. Sur le terrain, mouvement authentique pour soutien. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent dès le matin. Y'a rien à faire, ça galère, c'est fou ce qu'on se fait chier. Fais pas leur lèle avec elle, c'est une grosse ne chier. Où est la différence entre Sarkozy et Le Pen? Ok, j'ai fait mon choix, qu'ils aillent se faire ken. Dans ma cité, on traîne en communauté. Pour des thunes prêts à tout, quitte à finir menottés. Ici y'a pas de sapin, pendant le mois de décembre. Le Père Noël s'est fait étrangler avec les guirlandes. 92, spécialiste en illicite. Qualité en Chine, pour ça que les autres nous félicitent. Je dépose mes empreintes, mon trône est sur le rein. J'ai tellement pénétré le rap qu'il est tombé enceinte. Je mets des grosses frappes, personne me rattrape. Je chromatise et maîtrise le terrain. Je dépose mes empreintes, mon trône est sur le rein. J'ai tellement pénétré le rap qu'il est tombé enceinte. Je mets des grosses frappes, personne me rattrape. Je chromatise et maîtrise le terrain. Voici la relève. Je suis le maître et toi l'élève. J'arrive te perquise comme quand les condés te soulèvent. Le seul foucan qui me lève, c'est les bécanes qui se lèvent. Réveillé du pied gauche car j'étais mieux dans mon rêve. J'ai trop la dalle et je vous invite à le vérifier. Même un KFC pourrait pas me rassasier. Je te brûle volontairement, prépare ton enterrement. Jamais à moitié, je fais toujours les choses entièrement. Des hautes scènes, devine qui c'est qui mène. MC, ici tu gênes, je jette ton flow dans la scène. Catégorie supérieure, toi t'es inférieur. Flow mitrailleur, je te mets la puce, c'est moi le meilleur. Mis au classement, j'ai remporté le championnat. Numéro 1 devant toi, comprends que le terrain est à moi. Inch'Allah, tant que je serai là, je voudrais le hella. Big up aux frères au Carpla et ceux qui ne sont plus là. Dépose mes empreintes, mon trône est sur le rat. J'ai tellement pénétré le rap qu'il est tombé enceinte. Je mets des grosses frappes, personne me rattrape. Je chromatise et maîtrise le terrain. Je dépose mes empreintes, mon trône est sur le rat. J'ai tellement pénétré le rap qu'il est tombé enceinte. Je mets des grosses frappes, personne me rattrape. Je chromatise et maîtrise le terrain. Je dépose mes empreintes, mon trône est sur le rein. J'ai tellement pénétré le rap qu'il est tombé enceinte. Je mets des grosses frappes, personne me rattrape. Je chromatise et maîtrise le terrain. Je dépose mes empreintes, mon trône est sur le rein. J'ai tellement pénétré le rap qu'il est tombé enceinte. Je mets des grosses frappes, personne me rattrape. Je chromatise et maîtrise le terrain du rap. Le terrain du rap.